بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكونتينو إكسبيكاسيون دو ليفر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز toujours dans le chapitre ou dans le livre des serments et des vœux. Donc la semaine dernière on avait vu le chapitre d'une ambiguïté que l'auteur avait cité pour répondre à des personnes qui ne jurent pas par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant un verset pour preuve en disant Allah azza wa jalla dit wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum et n'utilisez pas le nom d'Allah dans vos serments. Quelle est la réponse à cette ambiguïté? On répond comme l'Abbas a dit. Non. Que quand Allah il a voulu dire ça, c'est le fait de. Quand une personne a juré pour ne pas faire un bien, comme l'Abbas a dit, qu'a fait un ami et il a fait le bien. Non. La réponse est le tafsir de Abdullah ibn Abbas qui est turjuma dans le Coran, qui est l'exégète du Coran. Celui à qui le prophète a invoqué en sa faveur en lui disant Allahumma. Faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion wa et enseigne-lui l'interprétation, c'est-à-dire tafsir du Coran et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Abdullah ibn Abbas a dit que le sens du verset, c'est n'utilisez pas le nom d'Allah dans vos serments lorsque vous vous interdisez quelque chose de bien. Et que pour ne pas faire cette chose de bien et pour appuyer votre serment, vous jurez par Allah. Mais faites le bien et donnez l'expiation. Car certains ont dit, moi je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah. Je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah, car si je jure par le nom d'Allah et que je mens, c'est très grave. Et ici, il y a la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit de jurer. Il est plus préférable pour moi de jurer sur le nom d'Allah en m'attendant que de jurer sur le fait en disant la vérité. Hassan, qu'il m'est préférable de jurer par le nom d'Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Taïb. Ensuite, on avait parlé du chapitre du fait de jurer par une autre religion que l'islam. Qu'est-ce que cela signifie, le fait de jurer par une autre religion que l'islam? Non? Dire, si ça, c'est pas vrai, ben, je suis pas musulman. Annie, je veux faire ça, par exemple, et si je ne le fais pas, je suis pas un musulman. Ou je suis un juif ou un chrétien, si je ne fais pas telle ou telle chose. D'accord. Ici, quel est le jugement du fait de jurer par une autre religion que l'islam? Non. Fahuwa minhum. In kana, comme l'a dit le prophète sallam, si il a menti en étant conscient et de façon délibérée, le prophète sallam a dit fahuwa kama qal. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il a menti dans son serment, alors il sera comme il l'a dit. Et s'il a dit la vérité, alors l'islam ne reviendra pas à lui salima. C'est-à-dire que la religion qui lui reviendra ne sera pas saine. Elle ne sera pas saine, mais elle sera détériorée et elle connaîtra un manque, l'ayadu billah. Il est donc interdit de jurer par une autre religion que l'islam, que tu dises la vérité ou non. Que tu dises la vérité ou non. Ensuite, on a vu le chapitre de lorsque l'on jure devant nous ou pour nous d'accepter ce serment. Si quelqu'un jure et te dit qu'il n'a pas fait telle chose, est-ce qu'on doit le croire? Oui. Et on a cité le hadith où le prophète sallam a dit que Isa alayhissalam a vu un homme voler et lui a dit: as-tu volé? Il a dit: je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité que lui que je n'ai pas volé. Et Isa alayhissalam a dit: kazabtu aynay wa amantu billah wa kazabtu basari. Je crois en Allah et je traite de mensonge ou je considère ma vision comme étant mensongère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'on jure pour vous ou en présence de vous sur quelque chose, alors fal yarda, qu'il accepte et qu'il se contente de cela. Taïb. Ensuite, on avait dit qu'il y avait trois sortes de serments. Il y avait trois sortes de serments. Le premier qui est yamin ou lahoui. Yamin ou lahoui, qui, comment on l'avait traduit, le faux. Un faux serment. Yani, c'est un serment qui, dans la forme ou en apparence, est un serment, mais la personne n'a pas l'intention de faire un serment. Donc, c'est un serment qui est basé sur des paroles, on va dire, futiles, qui ne sont pas voulues. Ensuite, il y a la deuxième sorte de serment qui est al-yamin ou al-ramous. Al-yamin ou al-ramous, qui est le serment mensonger avec préméditation. C'est-à-dire, c'est de jurer sur une chose qu'on a faite, de jurer que l'on n'a pas fait une chose que l'on a faite de façon délibérée. Ça, c'est al-yamin ou al-ramous. Et pourquoi est-ce qu'elle appelait al-ramous? Non. Car elle plonge celui qui a juré dans le mal, premièrement, autrement dit dans cette vie d'ici-bas, et elle le plongera en enfer, wal'ayadu billah, dans l'au-delà. Et il y a le troisième sort qui est al-yamin ou al-mun'aqadah, ou al-mun'aqidah, qui est le serment contracté, autrement dit, un serment qui est valide. Un serment qui est valide. Donc concernant yamin ou al-lahwi, qui peut donner un exemple de l'yamin al-lahwi, du faux serment? Non. Il n'y a pas une personne qui a dit: Wallah, tu vas manger. Ou Wallah, tu vas boire. Sachant que la personne n'admet pas de faire un serment. Non. Donc, c'est le fait de jurer, mais en ne voulant pas jurer. Mais en voulant contraindre une personne ou forcer une personne à faire telle ou telle chose. On avait donné un exemple de celui qui a des invités et qui dit: par Allah, tu vas manger, par Allah, tu vas boire. D'accord? Taïb, quelle est la preuve? Non? Non, c'est لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Et dans notre verset, ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. Allah ne prend pas en compte لا يؤاخذكم الله باللغو. Allah ne prend pas en compte les futilités dans vos serments. Autrement dit, Allah عز وجل ne prend pas en compte les choses que vous avez dites en jurant, mais par laquelle vous n'aviez pas l'intention de jurer. Par laquelle vous n'aviez pas l'intention de jurer, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous réprimandera et prendra en compte ce que vous avez dit en ayant l'intention effectivement de l'exécuter et de contracter un serment. Et on avait dit également qu'il y avait une deuxième sorte de al-yamin al-lahwi, al-yamin al-lahwi, qui est celui qui jure pour une chose passée. Non. En croyant qu'il dit la vérité. Ah, celui qui a juré sur une chose passée en pensant effectivement que c'était vrai. Par exemple, je jure par Allah que je suis parti tel jour à tel endroit. T'étais où? Je jure par Allah que j'étais tel jour à tel endroit. En pensant effectivement que c'était vrai. Puis ensuite, en faisant un peu de recherche, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, ce n'était pas ce jour-là qu'il y était, mais c'était la veille ou le lendemain. Ici, est-ce qu'il doit faire l'expiation de son serment? Non, car il a juré sur une chose passée alors qu'il n'avait pas l'intention de mentir. Taïb, il y a aussi une preuve que l'auteur n'avait pas citée et qu'on n'avait pas citée aussi la semaine dernière sur Al-Yamin al-Lahwi. Par exemple, le fait de dire tu vas boire ou je jure par Allah que tu mangeras, je jure par Allah que tu boiras. Il y a un hadith dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de l'Aïcha, s'est adressé à ses compagnons et leur a dit que celui qui a la nourriture de 4 parte avec le 5e, que celui qui a de quoi nourrir 5 personnes parte avec le 6e, que celui qui a de quoi nourrir 7 personnes parte avec le 8e. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons pour que chacun prenne parmi Ahl-Suffa ce qu'il pouvait. Ahl-Suffa qui sont des personnes qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient en leur possession que leurs vêtements. Ils n'avaient pas de famille et ils n'avaient pas de biens. Ils n'avaient pas de maison. Donc Ahl-Suffa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenait soin d'eux et était généreux envers eux. Et ce soir-là, après la prière de l'Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons en disant, ceux qui ont la nourriture de 3, qu'ils prennent avec lui le 4e, car dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le repas de 2 suffit à 3, le repas de 3 suffit à 4, etc. etc. Abu Bakr radiallahu anhu a pris avec lui 4 parmi Ahl-Suffa. D'autres compagnons en ont pris 3, d'autres en ont pris 2, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a pris combien? 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a pris 10 avec lui. Et Abu Bakr radiallahu anhu a emmené ses invités chez lui en confiant la tâche à son fils Abdurrahman ibn Abi Bakr de s'occuper des invités, de leur donner à manger. Et Abu Bakr radiallahu anhu est parti, comme c'était son habitude, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était quasiment tout le temps en sa compagnie. Et lorsque Abu Bakr est rentré, il a vu que ses invités n'avaient pas mangé. Il a alors appelé Abdurrahman ibn Abi Bakr, son fils, qui a eu peur de son père. Car son père, il n'était pas content. Il pensait qu'il allait rentrer et que le dîner, que ses invités auraient déjà dîné. Il a donc appelé Abdurrahman, son fils, qui s'est caché. Il s'est caché car il a entendu la voix de son père. Il avait peur qu'il le frappe ou autre. Il ne répondait pas. Il disait, soit tu viens ou soit je vais te chercher. Ensuite, il est venu et c'est là où les invités ont dit qu'effectivement, ils nous ont proposé à manger, mais que l'on a refusé. On a refusé. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, je jure par Allah que je ne mangerai pas. Je jure par Allah que je ne mangerai pas la nourriture. Et eux, ils ont dit, nous ne pouvions manger sans ta présence. Nous attendions que tu reviennes pour pouvoir manger. Il était pour nous inconcevable de manger sans que tu ne sois là. Et Abu Bakr a dit, par Allah, je ne mangerai pas. Et ils ont dit, par Allah, nous ne mangerons pas, si tu ne manges pas. Et ensuite, Abu Bakr a dit, هذا من الشيطان فأكل وأكلوا. Abu Bakr a dit, ceci provient du diable, Il a mangé et les gens ont mangé. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire est arrivée à ses oreilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es le meilleur d'entre eux. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à Abu Bakr de faire Al-Kaffara. Et dans le hadith, il n'a pas été cité que Abu Bakr a fait Al-Kaffara, car il n'a pas dit cela par en voulant jurer, en voulant contracter un serment, mais il a dit cela pour forcer ses invités à manger même s'ils n'étaient pas présents. Et c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, car d'autres savants ont dit non. On dit que le prophète sallam n'a pas parlé de kafara, et que dans le hadith il n'y a pas été cité al kafara, car c'était quelque chose de connu, et c'était quelque chose de qui devait être fait d'office. D'accord. Et d'autres compagnons ont dit non. Pourquoi? Car le fait de parjurer est déconseillé en islam, voire interdit. Qu'est-ce que le fait de parjurer? Al-hinth en arabe, c'est le fait de faire le contraire de ce que tu as juré de ne pas faire ou de faire. Tu as juré de faire quelque chose et tu parjures, c'est-à-dire tu ne tiens pas et tu casses ton serment. Et tu casses ton serment. Ici, Abu Bakr radhiyallahu anhu n'a pas fait al-hinth, car pour lui, ce n'était pas quelque chose de contracté. Ce n'était pas un serment contracté. Et ensuite, on avait parlé de l'Yamin al-Ghamous, on va avancer. L'Yamin al-Ghamous, qui est le serment mensonger avec préméditation. Et on avait dit que c'est celui qui, dans lequel il est voulu la perversité, ou il est voulu le mal, ou il est voulu le fait de prendre le bien d'autrui. Tu as pris telle ou telle somme? Non, je jure par Allah que je ne l'ai pas pris. Alors qu'il l'a pris. Ça, c'est considéré comme Al-Yamin al-Ghamous. Et on avait vu que cela faisait partie des plus grands péchés. Des péchés les plus graves parmi les grands. Des péchés les plus graves parmi les grands. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'expiation pour celui qui a fait Al-Yamin al-Ghamous. Son expiation, il n'y en a pas. Il doit se repentir en respectant les conditions du repentir. Et le prophète a dit dans plusieurs hadiths, les grands péchés sont al-ishraku billah, associer une divinité à Allah Azza wa Jal, de tuer une âme sans raison justifiée en islam, et en troisième lieu vient al-yamin ul-ghamous. En quatrième lieu, al-yamin ul-ghamous. Wa qatlu nafsi na'am. Entre al-ishrak et entre l'associanisme et qatlu nafs, il y a il y a la désobéissance aux parents, et Al-Yamin al-Ghamous vient en quatrième position. طيب, on s'est arrêté ici. يقول المؤلف اليمين المنعقدة وحكمها اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها توكيدا لفعل شيء أو تركه فإن بر بيمينه فلا شيء عليه وإن حنث فعليه الكفارة لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Donc al-yamin al-munaqada, c'est-à-dire le serment contracté et son jugement. Le serment contracté, c'est un serment que a voulu celui qui a juré, c'est-à-dire c'est un serment qui est voulu. وَيُصَمَّمُ عَلَيْهَا, et qu'il décide fermement. Lorsque tu jures, tu es ferme dans ce que tu dis, tu penses ce que tu dis, et pour toi, c'est effectivement un serment qui est donc contracté. Et tu jures, pourquoi? تَوْكِيدًا لِفِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ. Ceci pour appuyer le fait que tu vas faire quelque chose ou que tu ne vas pas faire quelque chose. Je jure par Allah que, par exemple, que tu ne rentreras pas chez moi. Pourquoi est-ce que tu jures? Pour faire comprendre à la personne qu'effectivement, elle ne rentrera pas chez toi. Et que tu feras tout ce qui sera en ta possibilité pour que cette personne ne rentrera pas chez toi. Et en disant ça, tu as l'intention effectivement de contracter un serment. فَإِنْ بَرَّ بِيَمِنِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. S'il tient son serment, alors il n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'a ni compensation à donner, ni expiation, et qu'il n'a pas commis de péché. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ حَنَثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةِ. Et s'il parjure, c'est-à-dire s'il a fait ce qu'il avait juré de ne pas faire, ou s'il n'a pas fait ce qu'il avait juré de faire, alors il doit donner une expiation. Une kafara est la preuve et la parole d'Allah Azza wa Jal, mais il vous prend en compte, ou il prend en compte ce que vos cœurs ont acquis. Et dans l'autre verset, mais Allah prend en compte ce que vous avez l'intention, les serments que vous avez l'intention d'exécuter. مبنى الأيمان على النية. Le chapitre du fait que les serments sont basés sur l'intention. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية فمن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه. عن سويد ابن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا وأنه أخي فخل سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف فإذا استحلف فاليمين على نية المستحلف. Donc selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les actes ne valent que par l'intention. C'est un hadith qui, sur lequel la religion repose, c'est-à-dire que tous les actes reviennent à ce hadith qui est l'intention. Et qui dit intention dit sincérité, que lorsque tu fais une chose, tu seras rétribué sur cette chose en fonction de ton intention. Celui donc qui jure sur une chose, وَوَرَّى بِغَيْرِهِ. Ma ma'na وَرَّى. Ça signifie quoi وَرَّى? Ça vient de التَّوْرِيَة. Il dit le contraire de ce qu'il pense. Ou il dit quelque chose qui est différent de ce qu'il pense. D'accord ? Par exemple, tu es en présence de quelqu'un, une personne t'appelle au téléphone, et cette personne, la personne qui est en ta présence, ne veut pas lui parler. Et il te dit, est-ce que un tel est avec toi ou pas? Tu dis, non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Quand il va entendre, il va dire quoi? C'est un issue qui va écouter, qu'est-ce qu'il va croire? Qu'il n'est pas là, alors que toi, tu as dit ce que tu ne penses pas. Il est là, oui, mais en fait, il n'est pas là. Mais il est avec moi, mais il n'est pas là. D'accord ? C'est le fait de dire quelque chose que tu ne penses pas. Ou d'utiliser des ruses en jouant sur les mots. D'utiliser un mot qui a plusieurs sens, et toi, le mot que tu as utilisé, tu voulais tel sens et pas celui-là. Mais ton but, c'est de faire comprendre à l'autre que c'est effectivement ça. Vous avez compris ? Par exemple, est-ce que tu es sorti hier ? Wallahi, je ne suis pas sorti. Mais moi, dans mon intention, je ne suis pas sorti, je ne sais pas. je ne suis pas sorti de tel endroit, je ne suis pas sorti du travail. Alors que la personne te demande, est-ce que tu es sorti hier? C'est-à-dire, est-ce que tu es sorti de chez toi? Tu dis, non, moi hier, je ne suis pas sorti. Mais dans ton intention, c'est, je ne suis pas sorti du travail. Est-ce que tu es parti là-bas? Wallahi, je suis parti. Tu vois? Par exemple, tu parles à quelqu'un, tu dis, Wallahi, hier, je suis parti là-bas. Alors que dans la discussion, la personne va croire que tu parlais d'un endroit bien précis, alors que toi, tu parlais d'un autre endroit, qui n'a rien à voir avec celui-là. C'est clair ou pas? Donc, c'est le fait de jurer en ayant l'intention de jurer en utilisant des termes qui ne sont pas ce que tu penses. Et dans les serments, c'est l'intention de celui qui jure qui est pris en compte. C'est l'intention de celui qui jure qui est pris en compte. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith de Souaïd ibn Hanzalah qui dit « Nous étions sortis pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait avec nous Wa'il ibn Hujr. Fa'akhadahu adoum lah. Et un de ses ennemis l'a pris. L'a capturé. A capturé qui? Al-Wa'il. Wa'il ibn Hujr. Fataharraja an-nas an yahlifu. Les gens ont éprouvé de la gêne à jurer. Ça veut dire quoi ça? Ils ont eu de la peine ou ils ont éprouvé de la gêne à jurer. Fataharraja an-nas an yahlifu. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'après le hadith, on voit qu'ils les ont forcés à jurer pour savoir si c'était vraiment leur frère ou pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle directement de jurer? Parce qu'à l'époque, lorsque tu faisais partie d'une tribu, tu étais respecté. Et si on fait du mal à quelqu'un de ta tribu, tu auras affaire à toute la tribu. D'accord? Eux, ils étaient en voyage pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient donc plusieurs. Et un des ennemis de Wa'il ibn Hujr l'a pris. Et les gens avaient de la gêne à jurer, à dire par Allah, il est fait partie des nôtres. Autrement dit, laisse-le tranquille, il fait partie des nôtres. Et si tu lui fais du mal, ou si il t'arrive de le tuer, tu auras des comptes à rendre à toute la tribu. Et les gens ne voulaient pas jurer en mentant. Ils ont éprouvé de la gêne parce qu'en jurant, ils auraient menti. Et Souaid ibn Hamdallah a dit « Fahalaftu ana annahu akhi ». Les gens ont eu de la gêne, mais moi, j'ai juré que c'était mon frère. J'ai juré que c'était mon frère. « Fakhalla sabila » et son ennemi l'a laissé. Il l'a libéré. Nous sommes ensuite arrivé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai informé, c'est Souaïd ibn Hanzalah qui parle, et je lui ai informé que les gens avaient de la gêne à jurer. Et j'ai juré moi que c'était mon frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as dit vrai, el muslimo akhul muslim. Tu as dit vrai, le musulman est le frère du musulman. Donc, Souaïd ibn Hanzalah a juré que c'était son frère. Mais lui, il avait l'intention de dire que c'était son frère en religion. Et l'autre a cru que c'était son frère de sang. C'est pour cela qu'il a laissé. وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْحَالِفِ إِذَا لَمْ يُسْتَحْلَفْ فَإِذَا اسْتُحْلِفَ فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ. Et donc, la règle, la base, c'est que dans un serment, c'est l'intention de celui qui jure qui compte. D'accord? Si par la suite, il s'avère que, par exemple, si on prend le cas, que celui qui, à qui tu as juré découvre la vérité, qu'en fin de compte, c'était pas son frère, mais c'était son frère en religion. Est-ce qu'on dit à Souhaïd, kaffir an yaminik? Est-ce qu'on dit à Souhaïd, tu as tort et tu dois faire une expiation? On dit, de toute façon, dans le serment, tout dépend de l'intention de celui qui jure. C'est l'intention de celui qui jure qui compte. Et c'est lui qui sait s'il doit faire une expiation ou pas, car c'est lui qui connaît le mieux son intention. Mais il y a un cas dans lequel l'intention de celui qui a juré n'est pas prise en compte, mais que c'est l'intention de celui qui demande de jurer qui est prise en compte. Dans quel cas ? Dans le cas où il y a une offense, où il y a un problème, et qu'on te demande de jurer. On te dit « jure par Allah », par exemple. Il y a un problème d'argent. On te soupçonne d'avoir volé telle somme. Et on te dit « jure que c'est pas toi qui l'as pris ». Et toi, tu jures. « Wallahi, c'est pas moi qui l'as pris. » Mais toi, pour toi, c'est « j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin ». Tu jures par Allah que je ne l'ai pas pris, mais toi, pour toi, c'est petit déjeuner ce matin. Dans ce cas, non. Pourquoi ? Car là, il y a un problème, il y a une dispute, il y a une discorde, et on te demande de jurer sur cette chose bien précise. Est-ce que effectivement c'est toi qui as pris cet argent ou c'est pas toi ? Si tu dis Wallahi, je ne l'ai pas pris, alors que toi tu pensais autre chose, ici, est-ce que l'intention de celui qui jure est prise en compte ? Non. Non, le juge considérera que tu as juré que ce n'était pas toi qui as pris cette somme. Et si tu viens dire au juge, oui, mais tu connais le hadith où Souhaïd a dit, le juge va te dire, non. Ça, c'est quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de discorde, quand il n'y a pas de problème à résoudre, et surtout quand c'est des problèmes de vol ou autre. Et là, le juge aura le droit de le réprimander. La preuve, car il y a des preuves, et certains savants ont dit, « إِذَا كَانَا » et ceci est à condition que celui qui te demande de jurer n'est pas un offenseur. Autrement dit, si celui qui te demande de jurer c'est quelqu'un qui te veut du mal. D'accord ? C'est quelqu'un qui te veut du mal. Par exemple, c'est quelqu'un qui, pour une histoire de bonbons, par exemple, il a une épée à la main. Et si jamais c'est toi qui a pris telle ou telle chose, et bien c'est ta tête qui risque de sauter. Là, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Et là, tu as le droit d'utiliser de jurer en ayant l'intention que c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que la personne qui est en face de toi, elle te veut du mal. Elle veut t'offenser. Mais si c'est toi l'offenseur, et que la personne qui te demande de jurer, c'est une personne qui est juste et qui recherche la vérité et qui veut que la vérité apparaisse au grand jour, là, tu n'as pas le droit de le faire. Là, quand tu jures, eh bien ce sera selon l'intention de celui qui t'a demandé. C'est clair ou pas ? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الحديثان رواهما مسلم في صحيحه. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serment est selon l'intention de celui qui a demandé de jurer. Ala niyati al-mustahlif. Il y a al-halif, il y a al-mustahlif. Al-halif, c'est celui qui jure, et al-mustahlif, c'est celui qui demande de jurer. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est authentique, rapporté par Muslim et autres, le serment est selon l'intention de celui qui a demandé de jurer. Et dans un autre hadith, de Abu Huraira également, rapporté dans Muslim également et autres, ton serment est selon ala ma yusaddiquka bihi sahibuk. Et ni ton serment est valable selon ce qu'a cru ton compagnon. Autrement dit, ton compagnon qui t'a demandé de jurer. Ton serment sera valable et valide selon son intention à lui qui t'a demandé de jurer, et ceci dans un contexte de discorde, dans un contexte de désaccord, dans un contexte de jugement, etc. C'est clair ou pas? Pour terminer dans Al-Yamin Al-Mun'aqidah, les savants disent que l'intention, et que le serment dépend de l'intention de celui qui jure, mais à condition que ce soit quelque chose de comment dire, de possible selon les termes qui sont utilisés. Par exemple, quelqu'un qui dit « Wallahi, aujourd'hui, je ne dormirai que sur un tapis. Si je n'ai pas de tapis, je ne dors pas. » 2 heures plus tard, tu le vois, il dort sur la terre, sur le sable. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « Toi, tu dois donner une expiation à ton serment ou non ?» Si on lui demande, il dit « Moi, quand j'ai dit je ne dormirai pas sur un tapis, pour moi, je parlais de la terre. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Celui qui a fait pour vous de la terre un tapis. Est-ce qu'on lui dit tu plaisantes ou est-ce qu'on lui dit c'est vrai, t'as raison? C'est-à-dire que, effectivement, si c'était ton intention, tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est possible. Il y a une origine, il y a un sens. Le terme ferrache, il peut vouloir dire la terre, comme il peut vouloir dire le tapis. C'est quelque chose qui est soutenu dans la langue arabe. Par exemple, les savants disent également que le serment peut être lié à une cause. Par exemple, on te dit un tel, c'est un de ces innovateurs, tu peux même pas t'imaginer. Il est dans un égarement pas possible. Et toi tu te dis wallahi, je lui parle plus à lui, c'est fini. Et ensuite, tu apprends qu'en fin de compte, on s'est trompé. C'était pas lui, mais c'était quelqu'un d'autre. Et que toi, le lendemain, tu parles effectivement à cette personne auquel tu as juré de ne pas parler. Et si, est-ce que tu dois faire une expiation ou pas? Non, pourquoi? Parce que toi, tu es persuadé que c'était lui. Ici, les savants, ils disent les sabab. Tu n'as pas d'expiation à donner car ton serment avait une raison. Pourquoi tu as juré de ne pas parler à un tel? Parce qu'on t'a dit que c'était un grand innovateur. Mais ce n'était pas lui, c'était une autre personne. Donc ici, ton serment est lié à une cause. Pourquoi tu as juré pour une cause? Mais cette cause, elle est fausse. Donc, tu n'as pas à faire d'expiation sur ce serment-là que tu as fait. Car c'est un serment que tu as fait qui avait une cause. Et si on ne t'avait pas dit que c'était un grand innovateur, est-ce que tu aurais juré de ne plus lui parler? Non. C'est clair? Et également, faut que ce soit, faut que cela peut, soit justifié, par exemple, par l'ouf. Par exemple, si tu utilises un terme qui, dans ton entourage, veut dire telle ou telle chose. Ou par exemple, un terme qui englobe beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, d'utiliser un terme qui, dans ton entourage, a un sens qui est plus vaste, par exemple. Si tu jures de ne pas faire telle ou telle chose, tu jures de ne pas faire telle chose, mais dans ton entourage, dans ton urf, cette chose-là veut dire que ça, elle ne veut pas dire autre chose. Est-ce que ici, on prend en compte cet argument ou pas? Oui ou non? Les savants disent oui. On prend en compte al-urf dans al-yamin. Autrement dit, quand tu fais un serment, il y a quatre choses qui peuvent être prises en compte. Ton intention, il y a la cause, il y a al-urf, il y a la langue arabe. Ce sont quatre choses qui sont prises en compte dans les serments. C'est-à-dire que toi tu jures, mais pour toi, tu avais une intention, autre que celle des termes que tu as prononcés. Ici, on prend en compte effectivement ta raison selon ton intention. Également, il y a as-sabab, la cause. Moi j'ai juré parce que, à cause de ça, là on dit oui, effectivement, tu as raison, la cause est prise en compte dans les serments. Ou tu as juré telle ou telle chose, tu as fait le contraire. Tu dois faire ton expiation. Mais non, moi quand j'ai utilisé ce mot-là, parce que chez nous, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Tu as raison. Alors, il est pris en compte. Et la langue arabe. Tu as juré de ne pas faire telle chose et tu l'as faite. Oui, mais moi, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire ça parce qu'en langue arabe, ça a effectivement ce sens-là. Donc, il y a quatre choses qui sont prises dans le serment en compte. L'intention. Al-sabab, la cause. Al-urf, les coutumes, si on peut dire ça, comme ça, et la langue arabe. Non. C'est spécifique à la langue arabe. C'est la langue arabe, c'est pas comme la langue du pays que tu as dit. C'est en France ou en français. Après, ça revient en off dans ce cas-là. Si c'est pas pris en compte dans la langue arabe, ce sera pris en compte dans le off. Dans ta langue, la langue que tu utilises. Au fil de l'oreille, Annie, t'as raison, c'est la langue. C'est la langue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être justifié dans la langue sur laquelle tu t'exprimes. D'accord ? Donc là, par exemple, on a donné l'exemple de l'ard, de Al-Firash, que Al-Firash, ça voulait dire la terre, mais ça veut aussi dire le tapis. D'accord ? طيب. لا حنثم عن نسيان أو الخطأ. من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث أن الله قال نعم حديث صحيح رواه مسلم. Il n'y a pas de parjure lors d'un oubli ou d'une erreur. Celui qui jure de ne pas faire une chose, puis la fête, par oubli ou par erreur, il n'a pas parjuré. Il n'a pas parjuré. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, oh Allah, ne prend pas en compte ou ne nous réprimande pas lorsque nous oublions ou lorsque nous faisons une erreur. Ou lorsque nous nous sommes trompés, c'est-à-dire de façon involontaire. Et dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit na'am. Allah azza wa jalla a répondu en disant na'am, effectivement, je ne vous prendrai pas ou je ne vous châtirai pas à cause d'un oubli ou d'une erreur involontaire. Hadith authentique apporté par Muslim. Involontaire, ben elle n'a pas fait exprès. Non. Tu as fait une erreur, c'est-à-dire que tu n'avais pas l'intention de la faire, mais tu l'as faite par erreur. Tu as fait une chose par erreur. Tu n'avais pas l'intention, ce n'était pas prémédité. Al-istithna'u fil yamin. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de Al-Istithna fil Yamin. Qu'est-ce que Al-Istithna ? Qu'est-ce que l'Istithna ? Les exceptions. C'est le fait de d'exclure quelque chose. C'est Al-Istithna, c'est par exemple des cas particuliers. On peut, ça a le sens de cas particulier, mais c'est le fait de mettre de côté une chose. Dérogation. Non, dérogation, c'est rukhsa. Par exemple, l'istithna, les savants ils disent qu'il y a le harf l'istithna, c'est illa, illa wa akhawatuha. Illa ou bien ses sœurs. Et parmi ses sœurs, il y a par exemple, Hasha, où il y a Sawa, par exemple, où il y a Ghayr, Dakhaltu, ou Fa'ala Zalika, Ghayr Hada, il a fait telle chose, sauf telle chose. Et il y a des pronoms en arabe qui sont des pronoms qui ont le sens de l'istithna, c'est-à-dire qui. Comment on traduit l'istithna, par exemple? Hein, c'est le fait d'exclure quelque chose. Et il y a l'istithna dans le serment. Il y a l'istithna dans le serment. وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ فَقَدْ إِسْتَثْنَا وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ. Celui qui jure en disant إِنْ شَاءَ اللَّهِ, il a alors fait l'istithna et il n'aura pas parjuré, il n'y aura pas de parjure. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهم تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته حديث متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والنسائي. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Sulayman ibn Daoud, le prophète d'Allah, a dit لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ مَرَأَةً, je vais faire le tour de 70 femmes qui étaient ces femmes, les femmes de Suleyman radiallahu anhu wa alayhi salam, étaient au nombre de 70, et dans d'autres versions authentiques au nombre de authentiques, je connais le nombre de 90, pas le nombre de 100. Vous êtes persuadé que 100 c'est moi, 90 c'est dans muslim. Donc il y a plusieurs versions, certaines 70, d'autres 90. Inch'Allah, je fais une recherche sur les 100 pour voir si la version également est authentique. Il a dit, je vais faire le tour cette nuit de 70 femmes, et toutes auront un enfant qui combattra dans le sentier d'Allah. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ, et son compagnon, où l'ange lui a dit, dis, Inch'Allah, si Allah le veut. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِي, il n'a pas dit et a oublié. Il n'a pas dit Inch'Allah et a oublié. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ, et aucune de ces femmes n'est tombée enceinte. إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامِ, sauf une qui est venue بِشِقِّ غُلَامِ, C'est quoi Cheikh Khiroulam? Hein? La moitié d'un enfant. Autrement dit, c'était, elle est venue avec un enfant qui n'était pas complet, qui, c'était un fœtus ou un embryon qui n'était pas complet. Donc c'était un enfant qui n'avait pas été créé dans sa totalité. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خوفي صلى الله عليه وسلم دي لو قال إن شاء الله لم يحنث s'il avait dit إن شاء الله il n'aurait pas parjuré وكان دركا له في حاجته et ceci aurait fait en sorte qu'il ait eu ce dont il avait besoin. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. On a ce hadith Sulayman ibn Daoud alayhi salam a juré qu'il allait faire le tour de 70 de ses femmes, autrement dit qu'il allait avoir des rapports avec elles en une seule nuit il allait avoir des rapports avec 70 de ses femmes et que chacune tombera enceinte et qu'elle enfantera d'un enfant qui, par la suite, combattra dans le sentier d'Allah. Et son compagnon, dans une autre version, un ange, lui a dit, « Dis, Inch'Allah, dis si Allah le veut. » Et Sulayman alayhi salam ne l'a pas dit et a oublié. Et aucune de ses femmes n'est tombée enceinte, hormis une qui a mis au monde un enfant qui n'était pas encore terminé. Et le professeur Hassem a dit, s'il avait dit Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré. S'il avait dit Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré. Qu'est-ce qu'on en déduit de cette parole du professeur Hassem? Que celui qui fait al-istithna, que celui qui dit Inch'Allah, en jurant, et que cette chose n'a pas eu lieu, est-ce qu'il a une kafara à donner? Non. Il n'aura pas d'expiation à donner, car il ne sera pas considéré comme ayant parjuré. Le professeur Hassem a dit, s'il avait dit Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré. Il n'aurait pas tenu, et il ne serait pas considéré comme ayant rompu son serment. Si tu dis Inch'Allah, les savants disent qu'il y a deux bénéfices. Le premier, c'est que Allah Azzawajal va te faciliter à avoir la chose sur laquelle tu as juré. Car tu as dit, si Allah le veut, donc Allah Azza wa Jal te facilitera. Et la preuve, c'est la parole du professeur sallam, s'il avait dit, Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré, وَكَانَ دَرَكَ لَهُ فِي حَجَتِهِ. Et ceci aurait été la cause à ce qu'il est, ce dont il avait besoin. Autrement dit, s'il avait dit, Inch'Allah, cela aurait fait en sorte que il est que ces femmes effectivement tombent enceintes. Car lui, c'était son but. Et c'est pour cela qu'il a juré d'ailleurs. Taïb, où est la preuve que Sulayman a juré alayhi salam? T'as nous posé la question. Sulayman a dit la atoufan. Je vais faire le tour. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans le Fath, وَاللَّامُ جَوَابُ الْقَسَمُ وَهُوَ مَحْدُوفُ. Que le lam, c'est une réponse à un serment. Et ce serment est implicite. أي وَاللَّهِ لَأَتُوفَنْ. C'est-à-dire, par Allah, je vais faire le tour de mes femmes. Et il faut comprendre la langue arabe, il faut avoir un certain niveau de langue arabe. Le lam est une lettre qui est dite en réponse à un jurement, à un serment. D'accord ? La atoufanna, ici, Sulayman al-Islam a dit cela en réponse à un serment qui est implicite. وهو محذوف أي والله لا أتوفن. Et الحافظ ابن حجر a dit, et la preuve que ici اللام جواب للقسم, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, s'il avait dit inshallah, il n'aurait pas parjuré. Mais si tu parjures, c'est que tu as juré. On ne parjure pas si on n'a pas juré. Donc ceci prouve bien que le lam ici est un lam en réponse au serment, et donc que le serment est implicite. Et que le serment est implicite. C'est clair ou pas? Le lam dans tous les cas ou ça dépend de la... Non, pas dans tous les cas. Non. Le lam, il a plusieurs sens. Lam, ça peut être les sababiyya. Lam, les sababiyya. Le lam, il peut avoir le sens de la cause. Matalan, zahaba, les ajli fulan. Non, tu parles du lam pour appuyer une chose. Non, justement. Le lam, justement, il a plusieurs sens. Parmi ces sens, il y a comme j'ai dit, as-sababiyya, il y a at-tawkid, il y a lam at-tamlik. Non, tu parles du tawkid, non. Donc le lam a plusieurs sens, soit pour appuyer quelque chose, soit pour dire que telle chose t'appartient, ou soit pour dire que c'est telle chose a été faite à cause de ça, mais c'est aussi, parmi ces sens, jawab al-qasam, une réponse à un serment. Non. Et parjurer, il doit faire ce qu'il a fait. Moi, je ne comprends pas le parjurer. Parjurer. Par exemple, tu dis Wallahi, aujourd'hui, je vais sortir mes enfants au parc. D'accord ? T'as pas sorti tes enfants au parc. C'est un parjure. T'as fait le contraire de ce que tu as juré de faire. Un parjure, c'est bien à faire le contraire de ce qu'on dit. Faire le contraire de son serment. Et lui, Sulayman alayhissalam, a juré qu'il allait faire le tour de ses femmes et que ses femmes allaient avoir un enfant, etc. Et qu'ils allaient tomber enceintes. Et qu'elles allaient tomber enceintes. Selon sa religion, Allahu a'lam. Selon sa religion, est-ce qu'il avait une kafara ou pas, Allahu a'lam. Mais ici, le prophète sallam dit, s'il avait dit, inshallah, il n'aurait pas parjuré. Et le parjure, yani, on verra inshallah par la suite. Yani, des fois, tu es obligé de parjurer. On verra, inshallah, les cas où tu dois rompre ton serment. En fait, c'est ça. Parjurer, c'est rompre son serment. Et c'est le rompre, non pas par oubli ni par erreur, parce que là, on a vu que la hinsa fin nisyan wa al-khata, qu'il n'y a pas de parjure par oubli ou par erreur. C'est-à-dire que quand tu as fait le contraire de ton serment, le cas concret, tu as juré de sortir tes enfants au parc, tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Tu as totalement oublié. Ici, est-ce que c'est un parjure ? Non. Mais si tu n'as pas oublié et que tu n'as pas fait une erreur, et que tu vois l'heure passer dans 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, une heure, deux heures, la nuit elle est tombée. Ici, tu as parjuré. Et quand tu parjures, tu dois faire le kafara. Tu dois faire une expiation. Non. Automatiquement, sauf quand c'est Al-Yamin al-Ramos. Sauf quand c'est un serment sur une chose passée dans laquelle tu as menti de façon préméditée. Ici, il n'y a pas de kafara, mais c'est At-Tawba. C'est clair ou pas? Taïm. Et les savants disent que certains disent que pour que l'istithna soit valide, il faut le dire juste après avoir juré. Et certains disent, certains savants ont donné des conditions, ont dit, ton istithna, c'est-à-dire le fait de dire Inch'Allah ou de t'en remettre à Allah, déjà les savants donnent des conditions. Ils disent, tout d'abord, tu dois le prononcer. pas, tu jures d'une chose et tu dis Inch'Allah dans ton cœur. Et tu dis Inch'Allah dans ton cœur. Quelle est la preuve que tu dois le dire? Le professeur Hassan a dit, il a qala Inch'Allah. S'il avait dit Inch'Allah, donc tu dois le prononcer avec ta langue et non pas te contenter de le croire et de le penser fortement avec ton cœur. Et certains savants ont dit que il faut que tu aies eu l'intention de l'istithna avant d'avoir juré et non pas après. Par exemple, de dire je jure par Allah que je vais sortir mes enfants au parc aujourd'hui. D'accord ? Et tu vois que ça va être chaud, donc tu dis Inch'Allah. Tu dis Inch'Allah. Pourquoi tu dis Inch'Allah ? Pour que, yani, 2-3 heures après, quand vraiment tu vois que là c'est plus possible et qu'il y a un gros problème, là tu dis Inch'Allah. Dans quel but ? C'est pas grave, je vais faire des sifna dans mon serment, même si je n'y ramène pas, c'est pas grave, j'aurai pas de kafara à donner ou à faire. Ici, certains savants disent non. Pourquoi ? Car quand tu as fait ton serment, est-ce que tu avais l'intention de faire l'istithna ou pas ? Non. Tu as parlé de l'istithna par la suite parce que ça t'arrangeait. Mais au moment où tu as fait le serment, tu n'avais pas l'intention. Et certains savants ont dit non. Peu importe l'intention. Ce qui est important, c'est de dire à l'istithna après avoir juré. Après avoir juré. C'est la vie le plus sûr. C'est la vie le plus sûr. Non, et là justement, donc la vie le plus sûr, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir eu l'intention de faire l'istithna avant d'avoir juré. Ensuite, la deuxième question qui se pose, les savants disent que tu dois faire l'istithna, c'est-à-dire de dire Inch'Allah. Et l'istithna aussi, il y a plusieurs formules. Tu n'es pas obligé de dire Inch'Allah forcément. Tu as le droit de dire bi iradatillah. Ou ida arad Allah, si Allah le veut, selon la volonté d'Allah, si Allah le désire, que ce soit des paroles dont on comprend que tu remets la chose à Allah. Ah, mais ça ne rentre pas aussi dans cette Allah. Pourquoi ? Maintenant tu dis bismillah. Non. C'est quand Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. C'est ghayr makhlouq. Non, mais c'est pas là c'est pas un qasam là. Là quand tu dis bismillah, tu jures pas par la volonté d'Allah. Là c'est tu jures, par exemple tu dis wallahi aujourd'hui je vais sortir mes enfants au parc. Bismillah. Bismillah. Là tu as fait l'istithna. Yani l'istithna c'est pas un serment, c'est une condition que tu viens mettre dans ton serment. D'accord ? Tu dis voilà, j'ai fait mon serment, mais attention, j'ai posé la condition. La condition c'est j'en remets à Allah. Je remets ce serment à Allah. C'est-à-dire que si Allah le veut, je le ferai, mais si je ne le fais pas, j'ai fait l'istithna. Donc je n'aurai pas de kafara à faire. Vous avez compris ? Donc, les savants ont dit il faut le dire après. Certains ont dit il faut le dire juste après. Et d'autres ont dit, tu as le droit de le dire tant que tu es dans le même endroit et que la discussion ne s'est pas interrompue. Et ils ont pour preuve, et c'est l'avis le plus sûr, le deuxième avis, ils ont pour preuve, regardez les savants comment ils réfléchissent, ils ont dit le professeur Asselem dans Am al-Fath, l'année de la victoire. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, le professeur Asselem s'est adressé à ses compagnons. Et parmi les choses qu'il leur a dit dans ce discours, il leur a parlé du caractère sacré de la Mecque. Ça, on l'avait vu dans Kitab al-Hajj. Et le professeur Asselem a dit, en parlant de la Mecque, « La yu'adadu shawkuha wa la yuhtashu » Ashwaha, que les plantes épineuses ne devaient pas être arrachées et que l'herbe également ne devait pas être arrachée à la Mecque. Que les plantations de la Mecque étaient sacrées. Et c'est là où Al-Abbas et le Prophète a fait son discours. Et bien après, c'est-à-dire bien après que le Prophète ait parlé du caractère sacré, etc., Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du Prophète, a dit à Rasulallah, إلا الإدخر فإنه لبيوتهم وقبورهم. Et le professeur Salam, l'Abbas a dit au professeur Salam, que dis-tu de l'Edkhir, qui est une plante ou une sorte d'herbe qu'ils utilisent pour leur maison et pour leur tombe. Et le professeur Salam a dit إلا الإدخر. Ici le professeur Salam a fait l'istithna, il a exclu des choses que tu n'as pas le droit d'arracher à la Mecque, il a exclu Al-Idkhir. Et quand est-ce que le professeur Hassem a exclu? Quand est-ce qu'il a fait l'istifna? Après son discours. Hein? Après son discours. Non, pendant son discours. Mais pas au moment où il a parlé du caractère sacré de la Mecque, mais c'était bien après. Et c'est comme si quelqu'un faisait une conférence, et puis vers la fin de la conférence, quelqu'un qui pose une question, ce que tu as dit tout à l'heure. Mais il est dans le même endroit, le discours est dans sa continuité, mais Al-Sitna ici est venu après. Il n'est pas venu juste après que le Prophète ait parlé et dit voilà, vous n'avez pas le droit d'arracher l'herbe de la Mecque, sauf à l'Idkhir, car c'est pour vos maisons et pour vos tombes. Mais l'Istithna est venu bien après. Est-ce qu'il a été pris en compte? Oui. L'Idkhir a été pris en compte. C'est le seul herbage que tu n'as pas, que tu as le droit d'utiliser et d'arracher dans la ville de la Mecque. Et le savant en déduit que quand tu jures, voilà, je jure qu'aujourd'hui je vais sortir les enfants, ensuite je ferai ci, je la ramènerai là, je ferai ci, je ferai ça. Et Annie, dans la discussion avec ta femme par exemple, et puis après tu dis Inch'Allah, Bidnillah. Tu dis Bidnillah 2, 3 minutes, 5 minutes, voire une demi-heure si tu es toujours dans la discussion, après avoir juré que tu allais emmener tes enfants au parc. Ici, l'Istithna est valide. C'est clair ou pas? Taïm. Et le second hadith est le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man halafa, celui qui jure, wa stafna, et exclu, insha'a raja' wa insha'a taraka ghayra hanif. S'il veut, il revient sur son jugement, sur son serment, sinon il le délaisse sans avoir parjuré. Il le délaisse sans avoir parjuré. C'est clair? طيب من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها. Celui qui jure et qui jure sur une chose et par la suite une chose meilleure lui apparaît. Que doit-il faire? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. سورة أبو هريرة رضي الله عنه le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui jure sur une chose puis lui apparaît une chose meilleure, qu'il fasse cette chose qui est meilleure et qu'il expie son serment et qu'il fasse une expiation sur son serment. Par exemple, je sais pas, tu as juré que tel jour tu vas aller à tel endroit, que tu vas voyager à tel endroit. Mais en réfléchissant, tu dis que si je reste, je pourrais rendre visite à mes parents, je pourrais ensuite aller à la mosquée, je pourrais apprendre, en plus il y aura le cours de tel cheikh, il y aura ci, il y aura ça. Et pour moi, c'est mieux de ne pas voyager. Mais j'ai juré que j'allais voyager. Mais ce jour-là, il y a des choses meilleures à faire. Ici, le professeur Sam m'a dit, فَلْيَتِلْ لَدِهُ وَخَيْرِ, qu'il fasse ce qu'il y a de mieux, وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ, qu'il fasse ce qu'il y a de mieux et qu'il donne et qu'il fasse l'expiation de son serment. C'est une obligation, là. Non, c'est une obligation. Est-ce que c'est une obligation? Allah a'lam. Il faudrait que je fasse une recherche. Mais je ne pense pas que ce soit une obligation. Tout dépend du cas, Yanné. Tout dépend du cas. Il n'y a pas un ordre là. Non. Mais tout dépend de la circonstance. Tout dépend de la circonstance. Par exemple, si, je ne sais pas, un père de famille, quelqu'un vient demander sa fille. Il le voit 2-3 minutes, ça ne lui plaît pas. Il ne lui plaît pas. Il dit à sa fille, Wallah, je ne te marierai pas avec lui. Il n'y pense même pas. Ensuite, c'est arrivé aux oreilles de ses amis, à ce père. Il dit, comment ça, t'as juré que t'allais pas donner ta fille à lui? Mais lui, tu le connais pas ou quoi, lui? C'est un tel. Il a ci, il a ça comme qualité. Tu nous crois quand même, on est tes amis, on va pas te... Oui, c'est vrai, je vous crois, y a pas de problème. Ah, je savais pas que c'était comme ça, mais je le connaissais pas. Et j'ai eu un doute et j'ai juré que j'allais pas le donner à ma fille. Ici, il doit faire ce qu'il y a de mieux. Il doit faire ce qu'il y a de mieux et... faire une expiation de son péché et autoriser sa fille à se marier avec cet homme. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك